Alors, donc, il n'y a pas de belles images à vous présenter, hein, mais ici, l'idée, c'est de travailler sur la Lorraine, d'une histoire régionale à la mémoire nationale. Alors, les propos que je vais tenir, je le dis tout de suite, ne sont pas destinés à mettre en avant le drapeau d'un régionalisme quelconque. C'est plus une interrogation, une réflexion sur la façon dont on a pu utiliser, écrire l'histoire de la Lorraine depuis, grosso modo, le XVIIIe siècle, et de quelle manière on a pu utiliser également cette histoire de la Lorraine jusqu'à, effectivement, ça a été évoqué très rapidement dans l'introduction, à une forme de mutation et de fusion d'une mémoire lorraine qui est devenue quasiment une image, un symbole de la mémoire nationale. Tout au moins, je parle ici de la première, enfin, fin 19e et première moitié du 20e siècle. Alors, le terme de Lorraine, encore de nos jours, hein, résonne davantage que celui d'Auvergne, par exemple, pour une grande partie des Français, en raison de son passé récent, du XXe siècle, et également, pour certains, tout simplement, d'une histoire vécue, hein, de la fréquentation de garnisons, etc., et du rôle de l'école, et également d'images un petit peu d'Épinal, hein, qui sont maintenant désuètes, par exemple celle du passé industriel de la Lorraine. Une province, on le sait, tardivement rattachée à la France, mais pleinement intégrée également depuis à l'histoire et à la mémoire nationale, jusqu'à en devenir, on l'a dit, un élément d'identité extrêmement fort, donc il y a encore un gros siècle de cela. Pour beaucoup, la Lorraine, c'est cette croix de Lorraine, hein, peuplée le pays de la croix de Lorraine, en quelque sorte, hein, peuplée de soldats, d'usines, etc., une terre de frontières, une terre d'affrontement. Mais, comme toujours, lorsqu'on parle de la Lorraine, notamment pour les questions de mémoire, de quelle Lorraine parle-t-on ? Alors, vu d'outre-Lorraine, si l'on peut dire, la question ne se pose pas. Il y a une Lorraine. Vous qui êtes Lorrain, j'imagine pour la plupart, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Il y a des Lorraines. La Lorraine ducale, les trois évêchés, vous savez qu'ils deviendront assez rapidement français. La Lorraine espagnole, puis autrichienne. Une Lorraine d'empire qu'on oublie complètement également avec les histoires d'enclaves, par exemple. Donc voilà, donc il y a bien des Lorraines pour l'époque moderne, j'entends. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle, nous, ici, de la Lorraine, et moi, celle dont je vais parler, c'est la Lorraine ducale. Effectivement, celle qui est absorbée. Je veux dire, l'avant-dernière, la toute dernière qui a été absorbée, ce sont les enclaves d'Empire au moment de la Révolution française. Mais c'était peu de choses d'un point de vue territorial. Voilà. Or, cette absorption, cette intégration, alors il y a toute une terminologie sur laquelle on peut réfléchir, réunion, hein, en 1766, dans la mémoire des Lorrains actuellement, eh bien, c'est sûr qu'il y a une résurgence certainement maintenant avec cet anniversaire de la mort de Stanislas. Mais globalement, je suis à peu près quasiment sûr que pour beaucoup, ça ne signifie pas grand-chose. C'est l'histoire, bien sûr, d'une forme de mémoire apaisée, qui d'ailleurs n'a jamais été une mémoire de lutte, hein, entre la Lorraine et une partie de la Lorraine et la France. Voilà. Mais lorsque l'on parle de la Lorraine, pour beaucoup, eh bien, vous le savez également, et du passé ducal, ça se limite à quoi ? Bien souvent à Stanislas, une petite ironie de l'histoire. Ça se, on pense souvent aux Guises. Certes, c'est les Guises Lorraines, mais c'est du côté français, si je peux me permettre, parce que c'est leur implantation, évidemment. Et c'est parfois un petit peu des petites résurgences, comme il y a eu avec, vous savez, les opérations Nancy-Renaissance, ça a permis de remettre un petit peu en exergue Charles III. Bref, on voit qu'ici, qu'il y a un certain nombre d'éclairages, mais qui sont parfois un petit peu déjà déformés, peut-être. Donc, une méconnaissance historique, vraisemblablement, un trou de la mémoire nationale, pour ce passé ducal, dû, à mon avis, en partie à une écriture de l'histoire et aussi à la façon dont on a écrit l'histoire en France, dans vous savez, cette perspective du roman national. C'est très à la mode depuis une semaine, on en reparle beaucoup, depuis une petite phrase. Donc du roman national, donc à compter essentiellement du dernier tiers du 19e siècle. Donc il faut aussi ajouter que la fidélité lorraine à compter de 1766, elle a été réelle. Donc, partant de là, il n'y a pas eu de mouvement important qui aurait pu mettre en avant une sorte de particularisme de la Lorraine, tout au moins de la Lorraine ducale. C'est peut-être ça qui participe à une forme d'amnésie, en quelque sorte, je mets des guillemets, hein, d'amnésie historique. Voilà. Parce que sans revendication récurrente, évidemment, après, tout prend le sens de, entre guillemets, du fil de l'histoire, et puis voilà, les choses passent. Donc ici, on va réfléchir un petit peu sur les distorsions de cette histoire lorraine et la façon dont elle a pu être utilisée. Voilà. Bien sûr, en arrière-plan, on pourrait poser la question de l'identité lorraine. si ça vous intéresse, on pourra en parler dans des questions. J'évoquerai très rapidement cela en conclusion. Vous le lirez au fil de la chose. Donc, en fait, un premier temps sur la question de l'écriture d'une histoire à l'époque moderne. Alors, cela peut paraître étonnant de partir de ce point, mais il importe de voir comment la Lorraine s'est elle-même racontée lorsqu'elle était encore indépendante, somme toute. Parce que c'est bien là-dessus que repose le substrat de l'histoire de la Lorraine ducale, une histoire collective. Alors, on pourrait prendre deux entrées, je vais le faire. Je vais surtout insister la façon dans laquelle les Lorrains se sont racontés, un peu moins, plus rapidement, pour la façon dont les Français, à l'époque moderne, ont pu raconter l'histoire de la Lorraine. Alors, des écrits sur la Lorraine ducale par des Lorrains, on peut avoir une vision assez rapide. Évidemment, il y a Don Calmet et toute une série de manuscrits qui sont restés des manuscrits, pour beaucoup. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a, bien entendu, vous le connaissez certainement, de Pierre de Blaru, la Nancéide, pour le XVIe, écrite en latin, versifiée, qui va être traduite au début du XVIIe siècle, dédicacée à François de Vaudémont, le père de Charles IV, mais qui est restée manuscrite. Et ce n'est qu'en 1840 que vous allez avoir une impression. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a bien un écrit, mais la diffusion, parce que c'est quand même ça le rôle de l'imprimerie, la diffusion large, ce n'est que milieu 19e siècle. Donc bref, il y a eu Pierre de Blaru, c'est très bien, mais il n'y a pas de publicité, au sens premier du terme, très large pour cela. Après, il y a donc tous ces manuscrits du XVIIe siècle, notamment. Alors, vous les connaissez certainement, pour certains d'entre vous. Une histoire manuscrite de Charles IV, c'est très intéressant, parce que Charles IV, dans l'histoire lorraine, tout de même, et dans les relations avec la France, par l'abbé Guimain, par exemple, celle aussi du père Donat, les mémoires de Forger, le médecin de Charles IV. Une histoire incomplète de Charles V, par un auteur inconnu, sa bibliothèque Stanislas, beaucoup de ces manuscrits à Nancy. Une histoire de Charles V aussi par le père Hugo. On aura l'occasion d'y revenir dans le détail, également restée manuscrite. Et même à la bibliothèque de Metz, il y a un autre manuscrit très étrange de l'histoire de Charles V par un auteur inconnu qui, évidemment, n'a jamais été imprimé aussi, également. Voilà. Il y a quand même des choses qui ont été imprimées fin XVIIe siècle sur l'histoire. Alors, ce n'est pas libellé comme étant une histoire de la Lorraine. Vous avez, par exemple, du Marquis de Beauvau, que vous devez connaître également. C'est les mémoires pour servir à l'histoire de Charles IV. Et il y aura une sorte de second tome pour ce qui est donc des suites de mémoires pour évoquer Charles V. Alors, cette publication d'histoire immédiate, pourrait-on dire, à ce moment-là, parce que c'est quasiment sur le vif, parce que, par exemple, Charles V est encore vivant, il meurt en 1690. Vous avez ici une publication qui ne rencontre pas l'assentiment des Français, bien évidemment, parce que c'est un petit peu trop direct. Ça évoque trop clairement aussi le rôle de Louis XIV, le comportement de Louis XIV, notamment à l'égard de la Lorraine, dans un contexte où la Lorraine est elle-même occupée, donc évidemment, ça ne plaît guère. Et vous avez Charles V lui-même qui est assez réticent, parce que, quoi qu'il en soit, même si peut-être, il est d'accord avec une partie du propos, cela entache un peu trop la mémoire de Charles IV, avec lequel, par ailleurs, il a eu beaucoup de soucis. Enfin bon, il y a quand même une histoire de l'image de la dynastie qu'il faut conserver. Alors, vous avez aussi un autre livre célèbre sur Charles V qui est sorti à la fin à l'étranger. Lui aussi, parce que je n'ai pas précisé, mais précédemment, c'est sorti à l'étranger. C'était à Cologne pour les travaux du marquis de Beauvau. Là, maintenant, c'est à Amsterdam. C'est La vie de Charles V, duc de Lorraine, etc. Et qui a été écrite par Jean de Labrune et qui a été traduite tout de suite dans beaucoup de langues, jusqu'en italien, etc. Et qui est une sorte de petit best-seller sur cela et qui raconte beaucoup de choses sur une partie de l'histoire de la Lorraine du XVIIe siècle. Alors évidemment, qui n'a pas bonne presse en France et on peut le comprendre. Donc, vous voyez, un paysage des manuscrits, quelques imprimés, je parle pour le XVIIe siècle, mais qui sont produits, tout au moins, et diffusés à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas diffusé en Lorraine, mais c'est le genre de diffusion qui se fait sous le manteau dans une Lorraine occupée. Voilà. Alors, on en arrive au règne de Léopold. La Lorraine redevient officiellement indépendante, donc vous savez, après le traité de Ryswick en 1697, il y a donc une restauration politique qui est mise en œuvre. Et Léopold, bien sûr, dans la restauration de ces États, hein, qu'il découvre en quelque sorte, parce qu'il n'y est pas né, à ce moment il n'y a pas grandi, qu'il découvre, il y a la volonté, quoi qu'il en soit, d'affirmer l'affiliation avec, bien sûr, son père, hein, et l'affiliation dynastique. Et donc, l'histoire joue un rôle. Alors, Léopold, c'est quelqu'un qui a aussi œuvré, qui a voulu, en développant notamment la cartographie historique, donner une image, une sorte d'incarnation, hein, à ces États. Il y a eu des enquêtes assez lancées sous Léopold. Donc, il y a vraiment la volonté de la maîtrise du territoire, et aussi la volonté d'écrire une histoire du territoire lorrain, et donc de la dynastie. Parce que, bien sûr, ce n'est pas une histoire sociale ou économique, on n'est pas dans cette dynamique. Là, on parle d'histoire politique, et donc d'histoire ducale, à proprement parler. Or, justement, ça c'est certainement connu par certains d'entre vous, hein, cette rédaction d'une histoire ducale, eh ben, elle est un petit peu compliquée. Parce que, indépendance, certes, mais les Français, vous savez qu'ils reviennent assez vite à Nancy dès 1702, c'est le contexte de la guerre de succession d'Espagne. Donc, on fait ce que l'on veut, mais pas complètement. Alors, ce n'est pas le même type d'occupation que pendant le XVIIe siècle, elle est moins complète, si l'on peut dire. Mais quoi qu'il en soit, la Lorraine reste sous le regard de la France. Ça, c'est une donnée jusque les années 1714, hein, 13-14, il reste directement sous le regard de la France, et ça continue après. Ça, c'est une donnée, à mon avis, qu'on n'a pas toujours à l'esprit, mais ça continue après. C'est une terre d'entre-deux qui reste sous surveillance, avec un duc qui, de toute façon, ne souhaite pas avoir un rôle de trublion comme l'a pu avoir, par exemple, Charles IV, et donc qui veut trouver une politique d'équilibre avec la France et avec l'Empire, avec lequel familialement il est très lié. Et donc, évidemment, Léopold, dans ce contexte-là, ne peut pas, entre guillemets, faire totalement ce qu'il veut. Alors, la preuve, c'est ce qui va aboutir à ce que nous connaissons au travail de Don Calmé. Mais deux faits indiquent que l'histoire, justement, de cette... l'écriture de l'histoire de cette Lorraine indépendante, en quelque sorte, ne s'est pas effectuée sans mal. Le premier fait, c'est que l'une des histoires manuscrites de Charles V, le père de Léopold, celle qui a été écrite par un jésuite, Duponcé. Alors les jésuites ne sont pourtant pas, il faut bien le dire, à l'égard du pouvoir en général, pourtant pas les gens les plus marginaux, hein, sont généralement bien ancrés avec le pouvoir. Alors vous avez un manuscrit, celui du jésuite Duponcé, pour ceux qui le connaissent, qui est passé à la censure française. Très intéressant. Le père, je vous cite ce petit passage, le père Duponcé, recteur du collège des jésuites de Metz, a été prié, par monsieur le duc de Lorraine de composer l'histoire du duc Charles V, son père. Elle est achevée. Et il est à souhaiter que je la lusse, c'est un représentant du roi de France qui parle, donc que je la lusse avant que de la remettre à ce prince pour la faire imprimer comme les mémoires ont été données par le comte de Carlingford. Je lui ai conseillé d'en retrancher quelques endroits dont vous n'auriez peut-être pas eu lieu d'être satisfait, et connaissant que, comme je le fais, ses bonnes intentions, je suis persuadé qu'il l'aura fait. Alors, bien sûr, c'est enrobé tout cela, mais c'est clairement dit, c'est vous m'enlevez ça, sinon ça ne paraît pas ou ça va créer des problèmes. Voilà, c'est clair. Dans les faits, le livre ne voit pas le jour, de toute manière. Déjà. Donc c'est intéressant, il y a eu un blocage ici. Premier blocage, j'allais dire. Second blocage, Léopold a ensuite demandé à Charles-Hyacinthe Hugo, vous connaissez peut-être également, de rédiger une histoire de la Lorraine, et donc de travailler également sur la biographie de son père, de Charles V. L'abbé d'Étival s'est mis au travail, hein, et au cours des premières années du XVIIIe siècle, et en gros, en 1712, le travail semble achevé. On sait qu'il a travaillé avec les pièces manuscrites de Lebègue, également du baron de Hennequin, etc. Bref, il a utilisé beaucoup de manuscrits également que j'ai évoqués précédemment du XVIIe siècle. Voilà. Alors c'est un manuscrit qui est assez conséquent, je l'ai déjà consulté, et c'est un récit très détaillé avec ses manques. Alors comme tout ouvrage, hein, il y a des années où on accentue vraiment, d'autres on précise moins les choses, mais il n'empêche. Or, 1712, au moment où il est achevé, on est à un moment où il y a un autre ouvrage qui est paru, en 1711, un traité historique et critique sur l'origine et la généalogie de la maison de Lorraine. En effet, depuis 1708, Hugo est historiographe du duc de Lorraine et prépare donc cette histoire. Et ce traité historique n'entre pas vraiment dans les faveurs de la France. Au début, c'est publié sous un pseudo, mais tout le monde sait très rapidement qui en est le réel auteur, c'est Hugo. Hein. Donc, pour éviter, alors le Parlement de Paris en 1712 demande la suppression de l'ouvrage, là je parle du traité du traité historique sorti en 1711. Il demande la suppression de cet ouvrage. Et quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que la biographie, donc la partie sur Charles V, est achevée. Et Léopold décide, en fait, de ne pas donner suite au gros travail donné par Hugo sur cette histoire de la Lorraine. Et l'histoire, boum, s'arrête là aussi. Donc, vous voyez, deux événements, en gros, à une dizaine d'années de différence, où vous avez une histoire lorraine qui ne sort pas, en quelque sorte, parce qu'on ne veut pas être en trop mauvais termes avec la France. Alors, c'est encore la France de Louis XIV. Mais même la France qui va suivre, celle du régent et celle de Louis XV, les tensions peuvent être parfois palpables. Alors, c'est là qu'on a fait appel à Don Calmet. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail, hein, parce que le temps court. Alors, Don Calmet, effectivement, qui travaille, une tâche qui, globalement, au début des années 1720, semble à peu près prête, achevée. Donc, ça va être l'histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine, qui est parue 1727. Il va paraître une seconde fois en 1757, sous un autre titre, Histoire de la Lorraine, qui comprend ce qui s'est passé de plus mémorable dans l'archevêché de Trèves, les évêchés de Metz ou les Verdins. Bon. C'est assez intéressant parce que là, on a un prisme où on voit bien qu'on a un cadre très large de l'histoire lorraine. Hein. C'est-à-dire qu'on ne prend pas que la Lorraine ducale, on prend également les trois évêchés. Hein, et d'autres. Pourtant, là aussi, le chemin de l'édition n'a pas été simple. Pour l'édition de 1728, pardon, il y a près quand même de 180 pages qui ont été supprimées. On a enlevé parce qu'elles étaient... Elle posait problème parce qu'on évoquait un peu trop dans le détail l'histoire, par exemple, du barreau mouvant. C'est pour ceux qui connaissent ces histoires-là, évidemment, c'était un petit peu le barreau mouvant. D'autres motifs possibles de discorde avec la France. Bref, par exemple, le traité de Montmartre de 1662 qui cède, vous savez, normalement à Louis XIV, après la mort de Charles IV, les duchés de Lorraine. Ça passe un petit peu à la trappe. Bref, il y a des choses sur lesquelles on n'insiste pas, voire on met vraiment entre parenthèses. Donc, et c'est pareil pour le traité de Marsal de 1663. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent et qui continuent de bloquer jusqu'à Stanislas. Hein. Et d'ailleurs, dans l'édition de 1757, je n'entre pas dans le détail, il y a également eu un petit peu des révisions de certaines choses. Donc, alors, je ne méconnais bien sûr pas du tout les talents de Don Calmet. C'est uniquement pour dire, même Don Calmet, que tout le monde présente comme étant un grand historien, s'il est certainement en grande partie, hein, évidemment, eh bien, il a dû aussi composer avec le politique à l'époque. Et c'est d'autant plus intéressant, et c'est, j'irais presque mon point final pour cela, c'est que nous vivons et nous puisons beaucoup chez Don Calmet. Il faut toujours être prudent aussi dans ce type d'histoire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il y a, vous savez, que parfois les propagandes peuvent marcher à très long terme. Hein, c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, avec l'égard de la propagande allemande de la Seconde Guerre mondiale, actuellement, il y a toujours des gens qui se sont embobinés. Ça fonctionne des fois à des décennies et des siècles après. C'est assez intéressant. D'autant plus qu'il y en a un historien, entre guillemets, peut-être moins que Don Calmet, mais n'empêche, Chevrier, pour ceux qui le connaissent, qui est quasiment totalement méconnu, en général. Chevrier, qui a écrit une histoire civile, militaire, ecclésiastique, politique et littéraire de la Lorraine, qui est paru à Bruxelles en 1758. C'est une histoire qui est passée dans la trappe de l'histoire, pour le coup, complètement. Parce que, c'est vrai qu'il a bien attaqué Don Calmet. Hein. Déjà, ça c'est une chose. Il n'était pas vraiment sensible aux mêmes choses. Hein. Il a aussi un petit peu dit des choses qui pouvaient peut-être fâcher parfois un petit peu les ducs. Mais surtout, c'est encore une fois le positionnement de la France. C'est quand même quelqu'un qui va être jugé par le Parlement en juillet 1759. Il va revenir. Il va être enfermé, mis en liberté. Bref, il y aura bien un procès. C'est une sorte de trublion un petit peu, hein, il a écrit d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, ça a contribué à sa marginalisation, mais c'est intéressant pour nous, c'est-à-dire que même nous, on parle toujours de Don Calmet et Chevrier, eh bien très peu, en fait. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de double condamnation un petit peu pour le travail de Chevrier. Je passe sur les Français parce que je vois que le temps court. En quelques mots, juste pour dire que les Français, lorsqu'ils écrivent l'histoire de la Lorraine, ils n'écrivent pas l'histoire de Lorraine pour l'histoire de la Lorraine à l'époque moderne. C'est pas comme ça qu'ils l'entendent. Mais il faut bien voir que tout le substrat que développent les Français, notamment dans des revendications territoriales à l'égard du barreau mouvant, par exemple, eh bien, toute cette production, qui est en partie imprimée, sert à alimenter, quoi qu'il en soit, les gens qui vont écrire notamment l'histoire de France au XVIIIe siècle. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des canaux comme ça qui montrent que, vous savez, qui va amener cette littérature du XVIIe siècle sur les fameux droits du roi, où on va plonger jusqu'à nos ancêtres les Gaulois, pour faire un mauvais rapprochement. Hein. Et vous avez ici donc un substrat qui va être largement digéré au XVIIIe siècle. Par exemple, je donne juste cet exemple-là, dans les écrits du cardinal de Fleury, qui va écrire un abrégé de l'histoire de France, et qui va évoquer, par exemple, à travers son histoire, bien sûr, les Mérovingiens, les Carolingiens, jusque-là rien de nouveau, et l'idée des frontières naturelles, du royaume, etc., et qu'il y a un juste retour de la Lorraine à attendre, bien sûr, vers la France. D'accord ? Donc on voit bien ici qu'il y a cette digestion, en quelque sorte. 1766, l'histoire est passée par là, vous savez très bien l'intégration, j'insiste pas. Et vous avez donc une écriture de l'histoire au 19e et 20e. Alors là-dessus, je vais être assez rapide quand même. J'ai commencé à moins le quart ou moins 20, je ne sais plus. Voilà. Ok, merci. Excusez-moi, je n'ai pas bien regardé. Alors, ceux qui écrivent l'histoire de la Lorraine, il faut le prendre en compte comme ça, et c'est pour ça que je vous dis que je ne fais pas de régionalisme, ce sont des gens qui à présent sont tous français. Au XIXe siècle, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est une histoire qui va s'effectuer dans quasiment dans un double contexte. Celui, effectivement, de l'intégration tranquille, et donc de cette première moitié du XIXe siècle, enfin, des trois quarts du XIXe siècle, et le second contexte que l'on connaît tous, celui de post-1870, celui de la perte d'une partie de la Lorraine, de l'Alsace également, hein, bien sûr. Et donc c'est dans ce double contexte qu'il y a une écriture de l'histoire. Alors, parmi les noms que vous connaissez, il y a Digo, hein, évidemment, il y a Haussonville, un petit peu avant, avec l'histoire de la réunion de la Lorraine à la France, dont le titre est intéressant, l'histoire de la réunion, hein. Qui, ne remet pas en cause leur attachement lorrain, même si on a pu accuser ici ou là, Haussonville, d'avoir une partialité lorraine. Je l'ai lu, ça, quelque part. C'est un travail d'historien important, parce que c'est quelqu'un qui va travailler sur des sources lorraines, mais beaucoup sur des sources françaises, diplomatiques, notamment, et qui va produire une très bonne histoire de ce rattachement, mais sur un temps très long. Alors qui peut être discutable sur tel ou tel point. Parmi, je vous rassure, je ne vais pas vous faire la liste de tous les historiens. Hein, les gens éminents qui ont mis en avant l'histoire lorraine. Alors il y a tous ceux qui sont indépendants, liés à des archives, à des institutions, à des sociétés d'histoire, qui prennent naissance, bien sûr, largement au XIXe siècle. Vous avez des gens comme Henri Lepage, évidemment, qui a été un ardent défenseur de l'histoire, comment la qualifier, régionale, locale, enfin l'histoire lorraine, si vous voulez. Hein. Vous savez qu'il a eu une très grande production, hein, je ne vais pas compter exactement, il y a au moins plus de 300 travaux. Alors parfois ce sont des tout petits articles, mais c'est énorme sur sa production. Et il a, il a impulsé beaucoup de travaux également, donc en dirigeant la Société d'archéologie lorraine. Et vous savez qu'il a également contribué à la reconquête, si on peut dire, du palais ducal, hein, qui devient le musée lorrain au XIXe siècle. Voilà, c'est quelqu'un qui, également membre de l'Académie Stanislas, à un moment, hein, après il ne sera plus que correspondant pour une histoire un petit peu particulière, hein, quoi qu'il en soit, donc il a mis en avant l'histoire de la Lorraine, et d'autres comme lui, comme Émile Duvernois, vous savez qu'il a écrit une biographie sur Chrétienne de Danemark, voilà. Donc on sent bien, et il est à la tête du dépôt des archives départementales, donc on sent bien que là, il y a quand même des travaux qui émergent, mais qui émergent dans un contexte totalement, j'allais dire, français, en grande partie dépassionné. Hein. Alors, ça peut poser la question du lotharingisme, évidemment, mais bon. Vous verrez, pour Duvernois, c'est un petit peu particulier. D'autres, hein, que je cite comme ça, Charles Sadoul, évidemment, le Pays Lorrain, ouais, ce sont des gens qui ont largement contribué à, je veux dire, parfois à défricher, mais à mieux faire connaître un passé lorrain dont ils avaient conscience qu'il avait été enterré, de toute façon. Hein, voilà. Eugène Martin et d'autres. Quoi qu'il en soit, donc, des historiens à fort ancrage régional, bien souvent, qui vont exhumer donc certains aspects de l'histoire de la Lorraine, avant l'arrivée d'historiens universitaires, non pas qu'ils aient toujours raison sur tout, mais c'est aussi chronologiquement une autre période. Mais donc des écrivains qui sont lorrains de cœur, pour beaucoup, passionnés, mais quoi qu'il en soit, résolument français pour la quasi-totalité, tout au moins à mes yeux. Et ils sont d'autant plus français après 1870, si je peux me permettre, évidemment, parce qu'on voit bien, si on prend le cas d'Émile Duvernois, hein, qui est donc, son père, qui était enseignant en histoire à Nancy et qui a préparé des générations de Lorrains au concours de l'école spéciale militaire. Là, il a vraiment accentué en disant que l'un de ses objectifs était de conserver avec un religieux respect le culte des anciens souvenirs et mériter par cet acte pieux plus de confiance et d'estime de la part de leurs frères de France. On est typiquement et déjà dans l'exaltation d'un patriotisme mais français, hein, mais en y intégrant bien sûr l'histoire de la Lorraine. Donc on plaide pour un renouveau de l'histoire régionale en ce 19e siècle, hein, et ça sera d'autant plus fort après 1870, comme vous le savez. Voilà. Vous savez que Nancy, notamment, est devenue la lumière de la France, la lumière intellectuelle de la France face à la Germanie, à l'Allemagne. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, que vous avez beaucoup de travaux qui vont être produits. Alors, parmi les gens qui vont travailler, là, vous avez bien sûr Christian Pfister, hein, et son monumental travail sur Nancy, qui n'est pas qu'une histoire de Nancy, quand on la regarde de près. Hein, c'est aussi une histoire plus large, c'est déjà une histoire de la Lorraine. Et vous en avez d'autres. Alors, Pfister, qui était aussi proche de Raymond Poincaré, ce qui n'est pas inintéressant, et qui finira sa carrière à Paris, hein, mais quoi qu'il en soit, qui regardera toujours ce qui se passe à l'Est, jusque pendant la Première Guerre mondiale et un petit peu après. Parmi les autres universitaires qui vont écrire, et là sur l'histoire de Metz, et ce n'est pas un hasard dans le contexte-là, c'est Gaston Zeller, pour la petite histoire, qui va travailler sur la réunion de Metz à la France. Voilà. Ce n'est pas un hasard que ça sorte à ce moment-là, ce genre de travaux. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc, il faudrait... Je n'ai pas du tout la prétention ici de faire un paysage exhaustif, on est bien d'accord. Il faudrait aussi regarder du côté allemand ce qui est produit, parce que c'est très intéressant ce qui est produit à ce moment-là, parce que c'est une autre vision et c'est une autre mémoire qui est véhiculée. Et donc, ces quelques petits exemples nous montrent que, notamment après 1870, il y a une utilisation de l'histoire qui est en marche. L'histoire, on dit toujours qu'elle est objective, elle doit être indépendante, etc. Oui, oui, oui, mais il n'empêche que c'est une réalité, elle a été utilisée. Alors, il ne s'agit pas toujours d'une utilisation très consciente, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de grand complot, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas du tout dans ces fantasmes-là, il n'empêche. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un historien, Villemain, en parlant de l'histoire d'Haussonville, écrit... Donc après 1870, comment la Lorraine, si naturellement adhérente à la France, en affinité avec elle de mœurs et de langues, entraînée et comme elle enclavée dans la sphère de cette puissance du milieu du XVIe siècle par notre possession des trois évêchés de Metz, tous les Verdun, ne fut-elle incorporée à notre État français qu'en 1766 ? C'est très intéressant. C'est l'idée que, voilà, en fait, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. C'était naturel. Hein, on revient sur les questions des frontières naturelles. Effectivement, on est dans une histoire un petit peu linéaire, celle de la construction de l'État-nation, de la France, hein, et bien sûr après de la France républicaine. Hein, on est dans l'écriture du roman national. Ça, vous connaissez tous, avec les grandes figures. Nous sommes ici, entre guillemets, chez Jeanne d'Arc. Je ne vais pas insister. Je pense que vous savez tous quel est le rôle qu'a pu être l'utilisation donc, de l'image de Jeanne d'Arc. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tranches d'histoire lorraine qui ont été utilisées. Des tranches, pas l'histoire lorraine, des morceaux, hein, au détriment d'autres, évidemment. On va mettre en avant René II, très intéressant. Et la lutte contre l'envahisseur, ça, c'est très intéressant. Alors, c'est l'envahisseur bourguignon, notamment. Mais vous savez que René II avec Louis XI, ça n'a pas été tout simple non plus. Hein, mais ça, on l'oublie un petit peu. Donc on met cela en avant, et notamment, donc c'est valorisé, et c'est là notamment qu'il y a la popularisation de la Croix de Lorraine. Hein, j'insiste pas sur son émergence. Vous savez, il y a la maison d'Anjou, etc. Ça va faire un petit voyage par la Hongrie, ça va revenir ici. Hein. Mais cette Croix de Lorraine, c'est intéressant aussi quand on regarde, c'est que c'est devenu l'emblème également de François de Guise, vous savez, celui qui a défendu Metz face à Charles Quint. Utilisation intéressante hein, ici. Alors, vous avez l'usage d'une croix qui s'était par ailleurs perdue en partie, hein, même beaucoup, après 1766, mais qui a été pérennisée un petit peu avec les représentations de Saint-Nicolas et qui va donc réémerger au XIXe siècle. Alors, cela porte de la crafte pour ceux qui y ont déjà fait attention. Hein, mais quoi qu'il en soit, après 1871, cette croix est devenue le symbole de la résistance à la germanisation aussi. À la germanité du côté français et à la germanisation en partie en Moselle, parce qu'il y a eu des cas d'utilisation, notamment par l'évêque de Metz et de Strasbourg en 1873, de cette croix de Lorraine. Donc on voit bien là qu'il y a une forme de transfert, d'assimilation. La place Stanislas également, hein, qui est elle-même une lecture partielle, là je m'attirais les foudres, de l'histoire de la Lorraine. Alors on connaît l'histoire de cette place, je ne sais pas du tout ce que je vais évoquer ici, hein, c'est une place royale, vous le savez tous à l'origine, place Louis XIV, avec l'Arc Erré. Mais prise dans la tourmente révolutionnaire, elle devient, donc avec ses différentes avanies, peut-être qu'elles seront évoquées, la place Stanislas devient, donc au début des années 1830, elle devient la place Stanislas, et il faut quand même se dire que ça n'a pu devenir la place Stanislas également qu'avec le consentement du préfet, me semble-t-il. Donc de la monarchie constitutionnelle. Donc on a la volonté de célébrer le souvenir de Stanislas, c'est tout à fait vrai, mais c'est une manière aussi de célébrer l'ancienne Lorraine et de la réduire aussi à Stanislas, somme toute. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était le constructeur et tout ça. Bon, d'accord. Mais n'empêche, c'est quand même ce qui reste. La preuve, c'est que maintenant, c'est devenu l'arbre qui va cacher le passé ducal, bien souvent. Et je le dis d'autant plus que chaque année, je fais un sondage avec les étudiants. C'est assez intéressant de voir ce qu'il reste du passé ducal à leurs yeux, étudiants en histoire, évidemment. Alors, pour moi, valoriser Stanislas, c'est un peu, ça peut être lu un petit peu comme une consécration du rattachement, évidemment, et à une sorte d'effacement en partie de l'ancienne dynastie. Certes, il y a eu la restauration des cordeliers au XIXe siècle, évidemment, mais combien de statues, de rues pour les anciens ducs ? Alors là, vous pouvez vous amuser, je me suis un petit peu amusé, à regarder, faire tout le listing. Alors c'est sûr, on peut dire, il y a la statue d'Antoine, sur la porterie du palais ducal, par exemple. Vous avez deux statues de René II, il y en a une dans la cour du palais ducal, il y en a une, vous savez, de la fin du XIXe siècle, sur la place Saint-Èvre, par exemple. Voilà. Un buste de Léopold, vous savez, qui est caché, vous levez le nez, dans la rue de Saint-Dizier, pour ceux qui connaissent. Et après, la statuaire ducale, pas grand-chose. Surtout pas de certains ducs. Vous avez également, vous avez également des noms de rues, alors Ferry, Raoul, Antoine... Charles III, Charles V quand même, le cours Léopold, évidemment, étonnamment peu de Charles IV, et pas de François III, vous savez, celui qui est devenu empereur. On a bien, par contre, vous savez, les rues de Turenne, Vauban, on peut dire oui, mais il y a Erré, Guibal, Gensson, Sifflet, Lamour, la place d'Alliance, tous des noms qui rappellent bien sûr le temps de Stanislas, entre parenthèses, mais aussi ça rappelle des noms d'artistes qui ont beaucoup travaillé avec la France, d'ambiguïté, toujours. Alors, d'accord, il n'y a pas de complot dans ce que je vous dis, mais c'est intéressant. Après, il faut s'intéresser au contexte de création, dans l'extension de Nancy aussi, des changements de rue, nouveaux noms de rue. Voilà. Donc, le passé ducal n'est pas négligé, par exemple, dans la topographie, si je prends la topographie nancienne ou d'autres, mais on voit bien qu'on met en avant beaucoup, par exemple, René les Angevins. Alors ça on y a, ça va être évoqué juste après, le quai de la Bataille, la Commanderie, la Croix de Bourgogne, la rue de Bon Secours, Pierre de Blarue, René d'Anjou, mais vous avez aussi une rue de Marguerite de Lorraine. Ah, intéressant, c'était une Orléans. Ça va devenir une Orléans, en quelque sorte, Gaston d'Orléans. Vous avez l'histoire Lorraine avec, vous avez des rues Lyonnois, Pfister, Calmet, etc. Ça apparaît également. Des historiens, bien sûr. Mais on voit bien que vous avez des ducs, on l'a dit, qui sont un petit peu marginalisés. Alors, on a préféré mettre en avant, certainement, la figure de Stanislas et ceux qui gravitaient autour, en quelque sorte, celle de René. Et vous avez des éléments comme... des images de la résistance lorraine qui sont souvent mises en éclipse ou transformées. Et là, je prends l'exemple de la Motte. On n'est pas très loin. Ici, vous savez très bien, c'est une forteresse qui a donné quelques petits soucis à Mazarin et qui va donc, contrairement à ce qui a été promis, on rase en 1645 la forteresse. Voilà. Raser, symboliquement, concrètement, puis symboliquement, c'est extrêmement fort. C'est la destruction, bien sûr, c'est tabula rasa de cette image de la résistance lorraine. Sauf que, en 1870, alors c'était pas complètement mort, le souvenir, mais 1870, c'est une forme de réémergence. Et vous savez peut-être que le chêne de la Motte aurait été un lieu de rassemblement des défenseurs de la ville contre les Français. Et c'est devenu le point de ralliement des partisans de 1870. Tac, connexion. Et vous avez donc des écrits qui émergent. Et surtout, on va s'y intéresser, notamment la Société d'archéologie lorraine. Je vais vite. Vous avez un monument qui va émerger à la fin du XIXe siècle, en 1897, lorsqu'il est inauguré. Et c'est l'occasion de rappeler le souvenir de la Motte, des vaincus et des vainqueurs, mais aussi d'exalter, bien sûr, la résistance patriotique des habitants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on connaît ici une transposition de la résistance des Lorraines à la résistance des Français, ce qui est quand même un petit peu fort de café, quand on sait contre qui s'était battu le Lorrain, mais c'est une transformation. La Motte sans soldats, sans tour, puissante cime, sera la forteresse invaincue et sublime, le rempart français de la fidélité. C'est fort, quand même. Bon, enfin, je trouve. Voilà. Bref, le monument porte une croix de Lorraine, Gloria Victis, et ça fait écho en partie, bien sûr, ce qui va être érigé plus tard, un petit peu avant, ce qui a été érigé sur la colline de Sion, hein, ou la, cette croix lorraine, avec une inscription, ce ne sera pas, ce n'est pas pour toujours. Hein. Donc les monuments de la Motte, ils font partie écho à ce qu'il y a eu à Sion, et après aux propos, bien sûr, de Barrès qui va fréquenter les lieux. Alors bien sûr, dans l'exaltation de la Lorraine, il y a Barrès et ses écrits, hein. On n'a pas le temps ici de détailler, mais il n'empêche. Et juste un tout petit détail encore, pour, avant de finir ce propos, il faut bien voir que, il y a des moments particuliers où on peut faire des zooms sur l'utilisation du passé ducal ou lorrain. Si on prend le défilé historique de Nancy de 1909, c'est assez intéressant. Alors, ça fait partie de ces défilés historiques, 1909, où quand on a une approche assez rapide, on a des précieuses indications. Le Moyen-Âge y occupe une place importante. Alors, vous savez, c'est les gens qui défilaient costumés, déguisés à la René II, etc., etc., avec des chars et tout ça. Alors, Moyen-Âge, il y a Lothaire de Gérard d'Alsace, Léon IX, Mathieu de Lorraine, l'évêque Adalbéron de Metz. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des Lorrains, enfin, Lorraine ducale, évidemment, etc., etc. Donc, proportionnellement, sur les 24 images, je travaille sur des images là, qui concernent le Moyen-Âge, il y en a 7 qui touchent, 7 du Moyen-Âge, il y en a 7 qui vont toucher Jeanne d'Arc, par exemple. Waouh ! C'est vraiment, on met l'accent sur Jeanne d'Arc, bien sûr. La Lorraine, ça fait écho à la résistance, bien sûr. Ça, vous le devinez bien. Hein. On met beaucoup de choses en avant concernant René. 5 clichés sur 24 qui touchent le Moyen-Âge, qui touchent René II. Donc on voit bien ici, à nouveau, l'importance. Après, il y a la Renaissance, il y a Charles III, la Villeneuve, il y a un char de la Villeneuve, par exemple. Il y a Callot, évidemment, mais Callot, vous savez qu'il a aussi servi le roi Louis XIII. Hein. Il y a Callot, il y a Claude Gelée, pareil. Il y a quand même Charles IV. Je me suis interrogé, il y a quand même Charles IV qui est là, les défenseurs de la Motte. Après, il y a Léopold, le marquis de Beauvau. Le char de Léopold, à nouveau, Stanislas, Jean Lamour, la Révolution et les généraux d'Empire. Et vous avez quand même la Lorraine et les Dames de Lorraine, évidemment. Alors, on croise bien la Lorraine en son entier, hein, Metz, les duchés, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fournit, on donne un discours sur la construction de l'État lorrain au Moyen-Âge, jusqu'à l'union des duchés. Et on insiste énormément, bien sûr, vous l'avez compris, sur Jeanne d'Arc et sur celui qui va amener progressivement par écho à l'union, hein, René II, hein, le constructeur de l'État unifié et aussi le constructeur des liens avec la France. C'est quand même ça également, les Angevins, lorsqu'on le regarde de près, ce qu'il y a eu par exemple sous René et Antoine, par exemple, jusqu'à Charles III d'ailleurs. Donc, mais vous le notez, pas de Charles V. Charles V, c'est quand même le fondateur des liens avec les Habsbourg. C'était peut-être pas trop bienvenu à ce moment-là. Donc, on n'en parle pas du tout. Et bien sûr, pas de François III dans ce défilé. Donc, on s'entend bien ici, vous avez au niveau national une Lorraine. Enfin, nationale et régionale, une Lorraine dont on donne une image, bien sûr, qui est séquencée, hein, fragmentaire. Et c'est comme ça que se forge la mémoire. Elle se forge uniquement elle fait des polarités, elle ne fait pas un fil conducteur. Après, c'est une construction intellectuelle par les individus. La Lorraine, son image, elle est véhiculée après 1870. Vous connaissez tous cela, vraisemblablement, même si vous ne l'avez pas lu, le fameux Tour de France de deux enfants, hein, qui contribue à populariser une certaine image de Lorraine. Je vois une dame qui sourit. Je l'ai lu, moi, étant enfant, je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai lu. Moi, je ne connaissais pas l'arrière-plan, bien sûr. Hein. Et bien sûr, c'est une certaine image de la Lorraine qui nous est donnée. Alors, un certain nombre d'éléments, ici présentés, peut-être trop rapidement, mais pourraient laisser penser que l'on a voulu, du côté français, gommer la fidélité ducale et les traces d'une identité lorraine. Comme, par exemple, vous savez, il y a eu un rapatriement discret lorsqu'on a détruit la collégiale Saint-Georges en 1743 définitivement. On a rapatrié nuitamment les restes des anciens ducs de la collégiale Saint-Georges qui étaient à côté du palais ducal, de l'autre côté, au Cordelier. Alors bien sûr, on pourrait dire, voilà, en gros, ça fait un peu le complot. Hein. Oui, peut-être. On voulait éviter peut-être certaines manifestations. Hein. Et il n'empêche, il faut rester très prudent sur ces interprétations, hein, des actions françaises en général, et notamment après la disparition de Stanislas. D'ailleurs, on peut poser une question. Hein, cette identité lorraine, quelle a été sa teneur encore au XVIIIe siècle, et surtout, comment la définir? Ça, si ça vous intéresse, on pourra en discuter. La Lorraine occupe, quoi qu'il en soit, ou a occupé une place particulière dans la mémoire nationale. Il y a eu un transfert d'image, on l'a vu, par exemple, de la résistance lorraine aux envahisseurs à celle de la résistance nationale, dont la croix lorraine est devenue le symbole, et comme Verdun, d'ailleurs. Hein. La guerre de 70 et la Première Guerre mondiale ont bien évidemment largement contribué à faire entrer définitivement la Lorraine dans une acception large, bien sûr, dans la mémoire nationale française, pour un temps au moins, près de 80 années, hein, la Lorraine, comme l'Alsace, donc, est devenue une incarnation de la France. C'était vraiment parfois poussé à ce point d'orgue. Et même le symbole de la France. Alors cela s'est fait au prix d'une histoire sélective ou sélectionnée, selon les interprétations. Et parfois réductrice, c'est vrai, simplificatrice. Mais quand on veut populariser un discours, si vous commencez à tenir un discours scientifique, ça ne marche pas de toute façon. Hein. Et certains communicants l'ont fort bien compris. Donc l'image d'une Lorraine devenue en partie une image d'Épinal, hein, pour une histoire relativement récente, dans un contexte d'évocation au niveau national des provinces perdues. C'est là que l'on a vraiment ancré l'image définitivement de la Lorraine. Alors comme l'a fait en son temps François Roth pour la Moselle annexée, à mon avis, le temps est venu maintenant de travailler plus précisément sur l'histoire de la Lorraine ducale, dans ses rapports avec la France à l'époque moderne, pour une histoire bien sûr totalement dépassionnée, une histoire scientifique, hein, et pour donner une image plus juste du passé ducal, pour mieux comprendre aussi le type de mémoire que l'on peut avoir à l'égard de ce passé. Voilà, je vous remercie. Merci.